Donc on va continuer, Inch'Allah, pour ceux qui veulent rester 15 minutes, Inch'Allah, sur l'asma ou sifat. Sur l'asma ou sifat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursaleen, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى في القواعد المثلى في القواعد المثلى. Donc on continue inchallah sur l'étude des règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah. وما زلنا في دراسة القاعدة الخامسة في القاعدة الخامسة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل لا مجال للعقل. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. Et là, l'auteur termine, on continue, toujours sur l'explication de la cinquième règle. De la cinquième règle. Et là, à la fin de cette règle, on avait dit que l'auteur, dans cette règle, nous enseigne, dans la cinquième règle, que les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont d'institution divine. Et il n'y a pas de place pour la raison humaine dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on se limite au texte. On ne peut pas inventer des noms et attribuer des noms à Allah Azza wa Jal, des asma, et le nommer par ces noms-là. On se limite aux textes. Les textes, que ce soit du noble Coran, ou bien de la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette règle-là, on l'appelle, les noms d'Allah sont d'institution divine. Tawqifiyya. Et à la fin, une fois qu'on a étudié deux versets. Et on a lu l'interprétation de ces versets dans les assises précédentes. L'auteur conclut cette règle, avant ensuite de mentionner une sixième règle. Il conclut en disant وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَ بِمَا لَمْ يُسَمِّي بِهِ نَفْسَهُ. Et il dit, l'auteur dit à la fin, et de ce fait, de même, et c'est cette partie-là qu'on va apprendre aujourd'hui et dont on va lire l'explication, il dit, de même que le fait de nommer Allah par des noms qu'il ne s'est pas donné. Écoutez ce qu'il dit, après avoir mentionné les deux versets, concernant le fait de ne pas parler et s'avancer dans ce dont on n'a point de connaissance. Donc on a fait un rappel, et l'auteur nous a fait le rappel dans ce qui a précédé. Le fait de ne pas s'avancer dans ce qu'on n'a pas de connaissance. L'auteur dit ensuite, de même que le fait de nommer Allah par des noms qu'il ne s'est pas donné, ou de nier l'un des noms qu'il s'est attribué, serait agir injustement envers lui. Il convient dès lors d'adopter en la matière une conduite convenable et de se limiter aux noms mentionnés dans les textes. Al-Kitab wa Sunna. Al-Kitab wa Sunna. En effet, regardez ce que va nous dire Cheikh. En effet, أرأيت لو أن شخصا سماك بغير ما تسميت به لعد ذلك جناية. Il dit en effet, si par exemple une personne, il vous appelle par un autre nom qui vous a été donné, vos parents vous ont donné un nom, et une personne, il va par exemple vous appeler par un autre nom. Il dit exemple, لأنه ليس له حق التسمية. Il dit le fait qu'une personne vous appelle par un autre nom qui est le vôtre, c'est une injustice. C'est une injustice. قال فلو سماك أبوك مثلا محمد بمحمد فلا يجوز لأحد أن يقول سأسميك عليا. Il dit si par exemple ton père par exemple t'a attribué un nom et il t'a appelé Mohammed, il n'est pas permis à une autre personne de t'appeler par un autre nom. Une autre personne vient et alors que toi, ton prénom, c'est Mohammed, une personne vient et dit, moi, je vais t'appeler Ali. Il n'est pas permis. C'est pas permis cela. Il dit, أَوْسَمَّكَ أَبُوكَ سُلَيْمَانَ فَقَالَ شَخْصٌ لَا أَنَا أُسَمِّكَ سَلِيمَانَ. Ou bien ton père, par exemple, tes parents t'ont nommé Suleyman, ils t'ont appelé Suleyman, et une personne vient et te dit, non, moi je ne t'appelle pas Suleyman, je vais t'appeler Salim. Je vais t'appeler Salim. Il dit, ça c'est pas permis. Ou bien, فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. Il n'a pas le droit de faire cela. لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ هَذَا. Pourquoi il n'a pas le droit de faire ça? Parce qu'il ne possède pas ça. C'est pas à lui de te nommer et de te donner un prénom. لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ حَقُّهَا لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ أَنْ يُسَمِّي. Pourquoi? Parce que l'appellation, le fait de donner un nom, ça c'est le droit de celui qui a le droit de donner le nom. C'est le droit, c'est le haq, comme l'auteur ici nous dit, liman lahul haq an yusammi, à celui justement qui est en droit d'attribuer le prénom. Fallahu azza wa jalla lahul haq an yusammi nafsahu bima sha. Donc là, cette chose que vient citer le cheikh là, c'est compris de tous, c'est normal. Celui qui a droit de donner le prénom à ses enfants, c'est les parents. Donc le père, par exemple, a appelé son enfant Suleyman. Une tierce personne ne vient pas lui dire « Non, moi, je ne t'appelle pas Suleyman, je t'appelle Salim. » Il n'a pas le droit. Ça, c'est le droit de celui qui avait le droit de nommer. Taïb. Au sujet d'Allah, qui est-ce qui est plus en droit de nommer Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal. Est-ce que quelqu'un peut diverger, un musulman, un croyant, une croyante peut diverger sur cette règle-là? Allah Azza wa Jal, il l'a dit, yusammi nafsa. C'est Allah Azza wa Jal qui s'attribue et qui s'appelle, qui s'attribue des noms. Donc à ce moment-là, on comprend bien que cette cinquième règle que nous enseigne l'auteur, Asma, on a, ils sont tawqifis, c'est d'institution divine. On doit se limiter au texte. La raison humaine n'a pas de part dans cela, dans ce domaine-là. On ne peut pas attribuer des noms à Allah Azza wa Jal comme bon nous semble. Mais c'est Allah Azza wa Jal, c'est son droit. C'est son droit, lui, de se nommer, de s'attribuer des noms comme il le veut. Subhanallah, regardez ce que l'auteur dit. لَهُ الْحَقُّ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ بِمَا شَاءَ أَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُسَمِّيَ اللَّهُ بِمَا لَمْ يُسَمِّي بِهِ نَفْسَهُ. En ce qui nous concerne, nous, ça ne fait pas partie de notre droit d'attribuer à Allah Azza wa Jal des noms comme bon nous semble. On voudrait, par exemple, appeler Allah Azza wa Jal par tel nom. Un nom qu'Allah Azza wa Jal ne s'est pas attribué. Est-ce qu'on aurait le droit? Là. La personne dit, moi, je veux l'appeler mon créateur comme cela. Là. Tu dois le nommer, l'appeler par les noms qu'il s'est lui-même donné, subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait une immense injustice envers le Créateur, subhanahu wa ta'ala. De même, maintenant, regardez ce que va dire l'auteur. De même, à l'inverse. كَذَلِكَ إِنْكَارُ مَا سَمَّ بِهِ نَفْسَهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. De même, maintenant, l'inverse. Renier un nom dont Allah Azza wa Jal s'est appelé et s'est nommé par celui-ci. Est-ce que c'est permis? Non. Allah Azza wa Jal s'est attribué, s'est nommé par un nom. Il ne convient pas aux croyants de nier ce nom. Pourquoi? Parce que c'est une immense injustice envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. كَأَنْ يُسَمِّي نَفْسَهُ بِأَسْمَائِ ثُمَّ تَقُلْ لَا أَنَا لَا أُسَمِّي بِهَا. Comme si, par exemple, le Créateur, il se nomme, il se donne un nom, par exemple, Al-Wadud, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, et la personne vient et dit, non, moi je ne l'appelle pas par ce nom. Moi, je ne l'appelle pas par ce nom. Ça, la yajuz, ce n'est pas permis. إِذْ إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْكَ أَنْ تُسَمِّيَ اللَّهَ بِمَا سَمَّ بِهِ نَفْسَهُ. Pourquoi? Parce que ce qui incombe et ce qui était obligatoire pour le croyant et la croyante, c'est de nommer, d'appeler Allah par les noms par lesquels il s'est appelé. فصار تسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله. Donc, de là, l'auteur nous dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit donc, le fait d'appeler Allah Azzawajal par un nom qui ne s'est pas attribué, c'est un mauvais adab envers Allah Azzawajal. C'est un mauvais comportement envers le Créateur. وَإِنْكَرُ مَا سَمَّ بِهِ نَفْسَهُ كَدَلِكَ سُوْ أَدَبٍ مَعَ اللَّهِ. Et renier un nom qu'Allah Azzawajal s'est attribué, dont il s'est nommé par celui-ci, c'est un mauvais comportement envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. فَلَوَجِبُ عَلَيْنَا سُلُوكُ الْأَدَبِ مَعَهُ. Et nous, qu'est-ce qui nous incombe en tant que musulmans et musulmanes ? Il nous incombe d'adopter le bon comportement avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, on apprend d'affirmer les noms d'Allah. Or, déjà, la négation des noms d'Allah s'est apparue déjà dans les premiers siècles. À l'apparition de Ja'd ibn Dirham. Et ce qu'il a véhiculé, ensuite a émergé, été repris et propagé par Al-Jahm ibn Safwan. Par Jahm ibn Safwan, lorsqu'il a propagé les enseignements qu'il a hérités de Ja'd ibn Dirham. Et de là émergea l'une des grandes tendances ensuite qui va se propager à l'époque, le courant de Al-Jahmiyyah. Et dans ce courant-là, cette hérésie, lorsqu'elle est apparue dans le monde musulman, dans leur pensée, il y avait parmi les croyances qu'ils adoptaient, la négation des noms et des attributs. Imaginez-vous, la négation des noms et des attributs. Des noms d'Allah Azza wa Jal et des attributs de perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, avec les siècles, certains ont hérité de cela. Et ont suivi le courant de Al-Jahmiyyah, partisan de Jahm ibn Safwan. Pour cela, les savants, depuis les premiers temps, ont rédigé sur la question. Regardez par exemple, lui-même, l'imam al-Bukhari, dans l'authentique de al-Bukhari, l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari réfute Al-Jahmiyyah. Il a un chapitre, regardez, dans al-Bukhari, où il réfute le courant de Al-Jahmiyyah. Donc on voit déjà qu'à l'époque de l'imam al-Bukhari, le courant de Al-Jahmiyyah s'était propagé, il avait émergé, puisque l'imam al-Bukhari a vu l'obligation de les réfuter et de répondre. Regardez par exemple, vous pouvez même voir par exemple dans un chapitre ou un livre, Kitab al-Tawhid al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, où il réfute justement Al-Jahmiyyah. Regardez Ibn Khuzaymah aussi, et d'autres grands savants déjà dans les premier siècle qui ont réfuté le Jahmiyyah. Et qui réfutaient le Jahmiyyah. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, c'est une injustice envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Allah s'est donné des noms et l'individu, la créature vient et dit non. Je n'appelle pas Allah azza wa jal par ces noms. ولكن هل يجوز أن نصف الله بوصف هنا من فعل دون أن نسميه به. Donc, une fois que Cheikh nous a expliqué, on doit appeler Allah Azza wa Jal par les noms qu'il s'est donnés. Et donc, on ne peut pas nier ces noms. Et aussi, on ne peut pas lui attribuer des noms qu'il ne s'est pas donné. Donc, on revient à la cinquième règle, qui est ce que Asma'ullahi Ta'ala sont tawqifiyah. Maintenant, il y a une autre question. On ne peut pas appeler Allah Azza wa Jal, lui attribuer des noms qu'il ne s'est pas donné. Par contre, une question que pose Cheikh ici, il dit par contre, est-ce qu'il est permis de décrire le Créateur biwasfin huwa bin firlihi duna an nusammiyahu bi? De décrire le Créateur, de lui donner un wasf, de lui attribuer un wasf, une description, de le qualifier par une chose, وَهُوَ مِنْ فِعْلِهِ qui font partie de ses actes, mais dont il ne s'est pas appelé par cela. Il pose la question, est-ce que cela est permis ou non ? Il va donner un exemple, il répond. Il dit, الْجَوَابُ la réponse, oui. Là, on a le droit. La réponse, il dit, نَعَمْ Par exemple, لأن باب الوصف أوسع من باب التسمية. Pourquoi? Parce qu'il dit que le domaine du wasf, de la description, du descriptif, en quelque sorte, du wasf, est plus vaste que le domaine des noms. Est plus vaste que le domaine des noms. مثلا, لنا أن نقول إن الله متكلم من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. Il dit par exemple, on a le droit de dire qu'Allah Azzawajal est mutakallim. Mutakallim, ça veut dire c'est celui qui parle. Qu'Allah parle. En arabe, mutakallim, c'est celui qui parle. Est-ce qu'on peut dire par exemple que Allah il est mutakallim? Oui. Par contre, là, vous avez vu, on informe au sujet d'Allah. On informe au sujet du Créateur. Mais on ne lui donne pas le nom. On ne dit pas Al-Mutakallim. On dit qu'Allah, il est Mutakallim. Allah parle. Mais est-ce qu'on lui attribue le nom Al-Mutakallim? Non. Pourquoi? Parce qu'Allah, Azza wa Jal, ne s'est pas attribué ce nom. On n'a pas le nom Al-Mutakallim. Donc Al-Mutakallim, il ne fait pas partie des noms divins, des noms d'Allah, Azza wa Jal. Une personne poserait la question, mais pourquoi évoquer cela et faire la différence, quelle différence s'il ferait partie des noms divins ou il ne fait pas partie des noms divins? Si c'est important, pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا. Allah appartient à les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Par exemple, lorsqu'on invoque Allah, on peut dire يَا رَحْمَن يَا وَدُود يَا رَحِيم ارحمني. Par exemple يَا رَحِيم ارحمني يَا تَوَّاب تُبْ عَلَيَّ. Vous avez vu, on invoque Allah Azza wa Jal par ses noms. Ô celui qui accorde le repentir, Yatawwab. Yatawwab, ça fait partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. C'est celui qui accorde le repentir. Tuba alayya. Ô Seigneur, accorde mon repentir. Accorde mon repentir. Par exemple, Ya Rahim, ô le clément, Irhamni. Fais-moi clémence, miséricorde. Fais-moi clémence et miséricorde. Ya Razzaq. Par exemple, ô toi, celui qui pourvoit la subsistance, accorde-moi la subsistance. Vous avez vu? On invoque Allah Azza wa Jal par ses plus beaux noms. Par contre, on peut dire Ya Mutakallim. Invoquer Allah Azza wa Jal par Ya Mutakallim, là. Par contre, on ne l'invoque pas par ce nom-là, parce qu'il ne fait pas partie des noms sublimes. Par contre, on peut informer au sujet d'Allah. Si quelqu'un te dit, est-ce qu'Allah est Mutakallim? Que réponds-tu? Est-ce qu'Allah est mutakallim? Que réponds-tu? Oui. Oui, Allah parle. Il n'y a pas de doute, puisqu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah Azza wa Jal a parlé Allah. Plus tard, ensuite, après le Jahmiyyah, c'est là qu'est le courant de Mu'tazila qui est apparu. Un courant, ensuite, qui a dit non. En fait, les Mu'tazila, lorsqu'ils sont apparus, à l'époque de Amr ibn Ubayd, qui fait partie des fondateurs, Wasil ibn Atta. Les deux hommes, Wasil ibn Atta et Amr ibn Ubayd, font partie des fondateurs du courant de Al-Mu'tazila. Lorsqu'eux sont apparus, déjà à l'époque, c'était l'époque aussi des premiers siècles, à l'époque de Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, eux, ils ont dit, nous affirmons les noms. Par contre, eux, ils ont dit, nous affirmons les noms, Allah Azza wa Jal, huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Samir, Al-Basir, contrairement au Jahmiya. Donc eux, lorsqu'ils sont apparus et leur courant a émergé, ils ont dit, on affirme les noms. Huwa Al-Samir, Allah est Al-Samir, puisque c'est dit dans le Coran. Huwa Al-Wadud, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Tayyib. Donc, où est ensuite? La problématique, c'est qu'ils ont dit, on affirme le nom d'Allah, mais sans l'attribut. Donc ça, on verra lorsqu'on parlera des attributs, sans attribut. Et ils ont dit, Allah est As-Samir, oui, Bila Sama, Al-Basir, Bila Basar, Al-Qadir, Bila Qudra, Ila Akhiri. Donc, ils ont dit, oui, Allah Azza wa Jal est l'audient, sans audience. Allah est le clairvoyant sans clairvoyance. Allahu al-alim bila ilm. Allah est l'omniscient sans science. Ils ont dit l'attribut, on ne peut pas l'attribuer au créateur. Et donc de cela, ils font partie de ce qu'on appelle al-mu'attila. Al-mu'attila. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, dans le monde musulman, dans la question des noms et des attributs d'Allah, émergea ce qu'on appelle al-mu'attila, les négateurs des attributs. Or, aussi bien le Jahmiya, qui sont apparus avant eux, et ensuite al-mu'tazila, qui vont apparaître plus tard et émerger plus tard dans le monde musulman, font partie de al-mu'attila. Al-mu'attila, c'est ce qu'on appelle ahlut ta'til, les gens de la négation. Ce sont tout simplement des négateurs. C'est ce qu'on appelle, les grands savants, ils appellent ça les négateurs. Mais vous savez, lorsqu'apparaît un extrême, apparaît l'autre extrême. Et donc ensuite, plus tard, va émerger un autre courant dans le monde musulman. Un autre courant, ce qu'on appellera, ce qui va être nommé Al-Mujassima. Al-Mujassima. C'est ceux, à l'inverse, qui vont affirmer, c'est l'inverse de la négation, mais en comparant le créateur à la créature. Et en affirmant le, justement, ils vont comparer et aller à l'extrême de l'affirmation. C'est ce qu'on appelle Al-Mujassima, Al-Mushabbiha. On peut les nommer comme cela. C'est pour ça que la célèbre parole ensuite d'Ibn Qayyim et de certains savants, lorsqu'ils ont dit Al-Mu'attila Ya'buduna Adama, ou Al-Mujassima Ya'buduna Sanama. Les négateurs, ils ont dit, ce sont des adorateurs du néant. Et Al-Mujassima, ce sont les adorateurs d'une idole, qui se sont eux-mêmes forgés. Et ce sont, ils adorent une idole qui se sont forgés à leur image à eux. Parce que ils sont imaginés l'attribut. Alors que les gens de la Sunna affirment sans s'imaginer le comment, ni comparer le créateur à la créature, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et donc, émergent ensuite dans le monde musulman, ces deux grandes tendances, Al-Mu'attila wa Al-Mujassima, ou Al-Mujassima. Et c'est pour ça que les savants ensuite ont été obligés de parler du sujet et de traiter le sujet. Al-Mu'attila, lorsque le Mu'tazila par exemple est apparu, eux parmi les attributs qu'ils ont nés, Sifat al-Kalam, l'attribut de la parole. Et tellement ensuite, ça fera débat, puisqu'on a dit que dans les siècles précédents, les sociétés dans le monde, elles étaient animées par des débats, et beaucoup de débats théologiques. Beaucoup de débats dans les siècles précédents, dans les différentes sociétés dans le monde, les débats, c'était souvent des débats théologiques. Et ça ensuite, la question des noms et des attributs du Créateur, dans les sociétés par exemple musulmanes, ensuite ce fut un grand débat. Et ensuite, du fait que ce fut un grand débat, d'autres courants ensuite ont émergé. Lorsqu'ils ont traité justement la question des attributs, des noms et des attributs, ensuite c'était la cause de l'émergence d'autres courants. Pourquoi ? Parce que lorsque parfois on veut débattre et répondre à une ambiguïté ou à un courant de pensée, soi-même on n'est pas à l'abri ensuite de tomber soi-même dans une autre erreur, dans une autre ambiguïté. C'est pour cela que souvent, lorsqu'on ne maîtrise pas le sujet dont on parle, on pense qu'on va réfuter une ambiguïté et soi-même, on va tomber dans une autre ambiguïté. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent dans les domaines, il faut maîtriser les domaines avant de débattre dans un domaine. Ce qui est apparu, c'est qu'ensuite d'autres tendances sont apparues qu'ont voulu réfuter Al-Mu'tazila et les négateurs. Et eux ensuite sont tombés dans une autre innovation. Ils sont tombés dans l'innovation de l'interprétation. Et de là est apparu un autre courant, par exemple à l'époque de Mansour al-Maturidi, un homme qui est apparu, Mansour al-Maturidi, et de là est née une tendance qu'on appelle Al-Maturidiyya. Al-Maturidiyya. Et est né aussi Ibn al-Kullab. Ibn al-Kullab, un homme qu'on appelait Ibn al-Kullab, de là est née une autre tendance qu'on appelle Al-Kullabiyya. Al-Kullabiyya. Et plus tard ensuite naîtra, et ce dont on avait fait allusion hier, à la tendance de Al-Ash'ariyya. Al-Ash'ariyya. Al-Muhim. Donc, les informatifs. On peut affirmer au sujet du Créateur. On peut informer au sujet du Créateur. Mais sans lui attribuer le nom. Par contre, on peut lui informer à son sujet. Donc, est-ce que le Créateur, on peut dire qu'il est Mutakallim? Naam. Parce qu'on a des preuves que Allah parle. Le Créateur parle. Par contre, on n'a pas le nom divin. Al-Mutakallim. On n'a pas le nom divin. Donc, on peut informer à son sujet. Par exemple, est-ce qu'on peut informer au sujet du Créateur comme étant Al-Murid? Qu'est-ce que le Murid? Même Arna Al-Murid. C'est quoi le sens de Al-Murid? Al-Murid. Arsène. Al-Ladhi Yurid. Yurid, ça vient du verbe Arada Yuridu, celui qui veut, qui a la volonté. Al-Irada. Vous avez vu lorsqu'on parle de la volonté divine, lorsqu'on parle de Al-Irada Al-Kawniya, ou Al-Irada Tu Al-Shara'iya. C'est la volonté. Est-ce que on attribue la volonté au Créateur? Est-ce qu'on peut informer au sujet d'Allah comme étant celui qui veut? Ou bien le Créateur ne veut pas? On nie toutes sortes de volontés pour le Créateur. Naram. Est-ce que quelqu'un en doute? Allah yurid. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Fa'alun lima yurid. Fa'alun, vous avez vu, c'est fa'al, c'est celui qui fait. Lima yurid, ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Et vous ne sauriez vouloir si Allah le veut. Allah yasha'. Insha' Allah. Wa ma sha' Allah. Wa ma sha' Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Et ce qu'Allah veut soit et il est plutôt, sera, et ce qu'il ne veut pas, ne sera point. Donc Allah, est-ce qu'il a l'attribut de la volonté? Naam. Naam, Allah est celui qui veut. Par contre, donc celui qui veut, c'est Al-Murid. Al-Murid. Regardez dans un verset, Allah dit. Yuridu Allah, wallahu yuridu an yatuba alaykum. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah dans le verset dans sourate An-Nisa, la sourate des femmes, Allah dit والله يريد أن يتوب عليكم. Allah veut vous pardonner, plus littéralement accorder votre repentir, accepter votre repentir. Allah veut. يريد أن يتوب عليكم. يريد أن يتوب عليكم. Allah veut accepter et accorder votre repentir. Mais regardez ce qu'il dit Allah. يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Mais ceux qui suivent leurs shahawat, leurs désirs, leurs plaisirs, eux veulent autre. Veulent que vous penchiez. يريد الله أن يخفف عنكم. Mais Allah veut vous alléger. Parce qu'Allah dit وخلق الإنسان ضعيفا. Car l'homme a été créé faible. Je vais juste vérifier la traduction de يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Je voulais la traduction littérale approximative du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Une traduction relative. Allah veut accepter vos repentirs, alors que ceux qui suivent leur passion cherchent à vous entraîner sur la mauvaise pente. C'est ça lorsqu'on dit أن تميلوا. Antamil ou Meilan Ardiman, que vous penchiez. Ici, l'on traduit dans le sens, vous entraînez sur la mauvaise pente. Allah veut aussi alléger vos charges, sachant que l'homme a été créé faible. Traduction abrégative sans y verser. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset? Ash-shahid fi hadhihi al-aya, l'élément illustrant. Allah veut. Wallahu yurid. Est-ce que maintenant on peut dire que la Allah ma yurid. Allah ne veut pas. On peut dire ça? Non. Donc le croyant, lorsqu'il dit Kitab Allah, est-ce qu'il affirme qu'Allah a la volonté? Qu'Allah veut? Naam, regardez, nous, on ne fait que réciter les textes. On ne fait que réciter les textes. Donc Allah veut. Et au contraire, affirmer la volonté d'Allah, c'est affirmer la perfection au Créateur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'inverse de l'irada, l'inverse de fait de vouloir, c'est quoi? C'est le fait de ne pas vouloir. Et celui qui n'a pas de volonté, il ne peut pas vouloir. C'est une imperfection. C'est une incapacité. Et ça, en aucun cas, on ne peut l'attribuer au Créateur subhanahu wa ta'ala. Puisqu'on lui attribue que la perfection. Le croyant, il doit, c'est ça l'adoration qu'on voit à Allah Azza wa Jal, c'est attribuer et croire en la perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup disent, mais pourquoi parler de cela? Mais parce qu'on, parmi les plus grandes adorations qu'on voit à notre Créateur, c'est le bon comportement envers lui. Parmi les plus grands comportements qu'on voit à notre Créateur, c'est la bonne croyance. C'est la bonne croyance en lui. Donc Allah Azza wa Jal, on peut affirmer qu'il est celui qui veut. Et nous, on saurait vouloir sans qu'Allah le veuille, préalablement. Pourquoi? Parce que rien ne se produit dans son royaume sans qu'Allah le veuille, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est celui qui veut. Par contre, est-ce qu'Allah il a le nom de El-Murid? Est-ce que El-Murid, celui qui veut, fait partie des noms divins? Non. Il n'est pas parmi les noms divins. Donc la règle, c'est un informatif. C'est un was, un khabar. C'est un informatif. On peut informer au sujet d'Allah qu'il est Murid. Par contre, on ne dit pas Ya Murid. On l'invoque en citant ce nom-là, Ya Murid. Mais on informe qu'Allah il est El Murid. On peut informer à son sujet. Pourquoi? Parce que, et c'est ça que nous dit Shir, il dit Bab al wasf awsa min bab al asma al tasmiya, que le domaine des informatifs est plus vaste que le domaine des noms. Que le domaine des noms. Dans un verset, ولكن الله يفعل ما يريد. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. ولنا أن نقول إنه مريد. Donc, on peut dire qu'Allah est مريد. لكن لا نسميه بالمريد ولا نسميه بالمتكلم لأنه لم يسمي نفسه بذلك. On a aussi, par exemple, الصانع. Celui qui façonne. Allah يصنع. C'est celui qui a façonné, qui a fait. Mais on n'a pas le nom الصانع ou الصانع. On n'a pas ce nom-là. Parmi les noms d'Allah. Mais on peut affirmer au sujet d'Allah qu'il est celui que yasna, qui fait ce qu'il veut. Et donc il dit, il nous est pas donné ou permis d'attribuer à Allah Azzawaj un informatif qui contredit sa perfection. Qui contredit la perfection du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc ça, vous avez vu, c'est des sujets très importants concernant le bon comportement qu'on doit à notre Créateur. Et cela passe par une bonne croyance. Et donc, pour celui qui veut attribuer la perfection d'Allah Azza wa Jal, ça se fait par Ithbat al-Asma wa Sifat, par l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. Aujourd'hui, et dans les siècles précédents, des musulmans sont tombés justement dans cette tentation et ce piège que leur a tendu Shaitan, Iblis. Ils pensent que attribuer la perfection d'Allah Azza wa Jal, c'est en reniant ses noms et ses attributs. C'est en reniant ses noms et ses attributs. En reniant aussi ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué à lui-même. Ce qu'Allah s'est attribué à lui-même. C'est pour cela que, il y a certains, on ne connaît pas comment est leur lecture du livre. Comment est-ce qu'ils lisent le livre? Allahu a'lam. Leur manière de lire le livre. Allah dit une chose, eux ils disent non. Allah dit une chose dans le Coran, eux te disent non. Allah Azza wa Jal, dans différents passages du Coran, plus de sept endroits du Coran, Allah dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Une partie te dit non. Allah dit Amin tum man fis sama, êtes-vous à l'abri de celui qui est dans les cieux, au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala, te disent non. Allah n'est pas au-dessus des cieux. Tu dis Ayn Allah. Certains te diront fi kulli makan, à tout endroit. Certains te diront non, il n'est pas au-dessus des cieux. Aynahu. Tu n'as pas le droit de poser cette question et de dire qu'Allah est au-dessus des cieux. Mais c'est Allah Azzawajal qui l'a dit dans le Coran. Allah dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, ils disent non. C'est pas le sens de l'élévation. Et dans de nombreux versets, prouve qu'Allah Azzawajal a sifat al-ulu. Allah dit Sabbih isma rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur le très haut. L'élevé. Ça prouve l'élévation du Créateur. Ils te disent non. Allah Azzawajal dit Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable de toute chose. Allahu al-Qadir, ça fait partie de ses noms. Al-Qadir, c'est celui qui est capable de toute chose. Ils te disent non. Adib, c'est étonnant, mais certains le disent. Ils disent non. Tu dis Allah n'est pas capable de toute chose? Non. Kayfa hada? Allah dit Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ils te disent non. C'est ça, ce qu'on appelle le négateur. On continuera, Inch'Allah, dans les assises prochaines. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.